J'ai mes deux mains dans les poches. Oh non, c'est pas que j'ai froid aux mains. J'ai pas de travail, c'est ce qu'on me reproche. Il paraît que sans argent t'es rien. Et même que sans argent on t'aime pas bien. J'ai cru que j'avais ma place. Tout était prêt qu'on m'attendait. Mais non, en fait, y a pas de place. L'armée recrute tous les paumés. L'armée recrute la jeunesse déclassée. Et le temps fera le reste. Je fais confiance en mes maladresses. Deux mains dans les poches. Oh non, c'est pas que j'ai froid aux mains. J'ai pas de travail, c'est ce qu'on me reproche. Il paraît que sans argent t'es rien. Même que sans argent, on t'aime pas bien. Mais le temps fera le reste. Je fais confiance en ces maladresses. Mais le temps fera le je fais confiance en ces maladresses.